Acte 3, dans le même décor qu'à l'acte 2, mais au soleil couchant. L'empereur d'Autriche, Franz, accorde au présent ce que chacun lui demande, écrit sur un bout de papier. Mais le dernier papier, celui du duc, son petit-fils, réclame qu'on lui rende son champ, la France. Après avoir reproché au duc cette demande, l'empereur se laisse amadouer par le duc qui lui rappelle qu'il veut rentrer à Paris, si bien que l'empereur finit par appeler le duc « Sire ». Metternich les interrompt, et il met de telles conditions au départ du duc pour la France qu'il le lui rend impossible. Aussi le duc rappelle-t-il qu'il est l'aiglon et le vagram vivant qui se promène. Vexé, l'empereur ordonne au duc de sortir, mais il est meurtri par cette décision. Le duc, seul, ressort un petit chapeau de son père quand arrive Flambeau et le chef de la police qui ordonne au laquais, Flambeau, de fermer les portes comme d'habitude. Après le départ du directeur de la police, et après avoir quitté sa livrée de laquais, Flambeau se retrouve en uniforme de grenadier français. Et c'est ainsi que soudain redressé, délarbiné, minci, enfermé jusqu'à l'aube, impossible à surprendre, fronçant sous son bonnet, son gros sourcil de cendre, se tenant dans son vieil uniforme bien droit, l'arme au bras et la main contre le téton droit, dans la position fixe et réglementaire, gardant le fils ainsi qu'il a gardé le père, c'est ainsi que debout, chaque nuit, sur ton seuil, se donnant à lui-même un mot d'ordre d'orgueil, fier de faire une chose énorme et goguenarde, un grenadier français monte à Schönbrunn la garde. C'est la dernière fois. Tu ne l'auras pas su, prince. C'est pour moi seul. C'est du vrai luxe, inaperçu. S'offrir un pareil coup, pour n'éblouir personne, mais pour se dire, à soi tout seul, elle est bien bonne. À leur barbe, à Schönbrunn, je me trouve insensé. Je suis content. Je suis ravi. On entend un bruit de clé dans la serrure à droite. Je suis pincé.